accroché à ma branche de fille de foi de jeu, naviguant du spirituel au spirituel. Parfois, je t'avoue que je veux mourir, tu me réponds dans un sourire. Denis Fomblard, tu n'es pas drôle, arrête un peu ce putain de rôle, regarde-moi bien et souris, redeviens Anthony Stéry. Quand je te dis que ceci sera ma dernière chanson, qu'il te faudra sûrement trouver d'autres garçons, que toute ma vie ne fut qu'une ode à la dépression, qui finira bientôt dans une ultime oraison. Tu baisses la tête, tu pleures car tu ne peux plus agir, mais tes larmes veulent me dire. Denis Fomblard, tu n'es pas drôle, arrête un peu ce putain de rôle, regarde-moi bien et souris, redeviens Anthony Stéry. Regarde-moi bien et souris, redeviens Anthony Stéry. Oh non, c'était super. Pourquoi t'as ri? C'est parce que je suis gros, tu m'as regardé, non. Et ça t'a fait rire. Je suis gros. Si, je sais, c'est ça. Quoi.